Celui qui surgit de la brume. Au réveil, après la furieuse bourrasque qui, toute la nuit, avait soufflé en tempête du sud-ouest, semant la tristesse et la crainte dans l'âme et dans le cœur de tous ceux dont elle avait troublé le sommeil, les habitants de Plougasnou, sur le plateau élevé d'où leur bourg domine à des lieues à la ronde la terre et la mer, eurent la surprise de se voir brusquement isolés du monde. Enfermés de tous côtés par le mur circulaire blanc et fluide d'une brume cotonneuse que le regard le plus perçant ne pouvait pénétrer au-delà de quelques pas et qui transformait leur village en un îlot solitaire perdu dans l'infini. Ce n'était pas une chose nouvelle pour eux que cet enveloppement de brouillard, et de tout temps ils avaient pu constater pareil phénomène atmosphérique. Mais ce dimanche-là, il semblait que tout se fût combiné pour les impressionner plus vivement et jeter un trouble inaccoutumé dans leurs cœurs simples et naïfs, plus facilement ouverts aux émotions qu'à d'autres moments. Cela avait commencé par les nouvelles de Russie, apportées par les derniers bulletins de la Grande Armée et que l'on commentait depuis la veille dans les cabarets, dans les maisons, avec le frisson communicatif de tout ce froid qui massacrait là-bas les soldats et qui glissait peu à peu comme un poison de mort dans les veines de ceux qui avaient à l'armée des parents, des amis. Bien qu'ils fussent peu nombreux, la plupart appartenant à l'inscription maritime et se trouvant plutôt sur mer, peut-être même à cause de ce petit nombre qui faisait qu'on pouvait les désigner par leur nom, les mieux connaître et les citer, on parlait d'eux avec plus d'inquiétude, plus d'intérêt et une tendresse plus anxieuse. Mais ce fut l'arrivée pour la grand-messe des quatre gardes-côtes que d'autres avaient remplacés à la pointe de Primelle qui aggrava l'émotion, car, par eux, on espérait connaître les événements de la nuit. En effet, ceux qui ne dormaient pas et dont l'ouïe était fine, comme elle l'est chez tous ces gens de mer, avaient parfaitement perçu à travers les mugissements du vent les détonations sourdes que Guyader avait entendues durant sa veille, et la croyance générale était qu'il devait y avoir eu du nouveau sur la côte. Depuis la première heure de ce jour, si trouble dans le brouillard, un malaise indéfinissable s'était répandu partout, comme une épidémie soudaine inexplicable. Dès que leur groupe facilement reconnaissable se détacha sur le chemin qui monte de Primelle pour pénétrer dans Plougasnou, le forgeron Lescoff, dont la maréchalerie toujours flambante se trouvait la première maison du bourg, trahissant la hantise qui s'était emparée des esprits les moins faciles à s'émouvoir, les arrêta d'un « Est-ce l'anglais qui attaque ?» Cette nuit, tout en dormant à moitié, dans un sommeil de cauchemar, je croyais me trouver en Russie avec mon gars, à entendre ce canon qui grondait. Quelque tentative de débarquement, peut-être ? Tout est à craindre au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait nous défendre s'ils osaient venir ? On n'a rien su de pareil, avoua Morvan, vu qu'on dormait fameusement les camarades et moi. Mais Guillaume vous renseignera. Oui, car moi j'ai entendu, fit Guyader. C'était loin derrière les Méloines, vers les Triagoses, que l'affaire avait lieu. Voilà tout ce que j'en sais avec cette damnée brume. Ce matin, impossible de rien voir à la pointe. Après un peu de lune qu'il y a eu entre minuit et 2 heures du matin, le brouillard a tout envahi, tout masqué. Du reste, c'est heureux pour nous. Cela nous défend mieux que tout contre l'ennemi. Cependant, j'ai cru voir des choses. Il frissonnait encore un peu en disant cela. Non pas que son cœur fût accessible à une peur terrestre, mais parce que c'était surtout ce dont il ne parlait pas, cette vision double qu'il avait eue à la fois sur mer et sur terre, dont le souvenir le poursuivait, fantômes impalpables dont toute son âme subissait encore l'émoi. Et il se dirigea vers l'église, en traversant le cimetière qui l'entoure. Le vieux matelot qu'il était retrouvait dans cette église de Plougasnou avec son clocher dressé, le vaisseau de granit au mât colossal, indestructible, ancré pour toujours dans le sol natal, où il pouvait aller chercher en toute confiance un refuge assuré. Une cloche tintait encore, finissant d'appeler les fidèles à la prière. Déjà des grondements d'orgue s'envolaient par les portes demeurées ouvertes, et des banderoles de brume passaient en fumée légère, échappées de toute la montante marée de brouillard encerclant le petit bourg. Elles s'enroulaient autour de la tour carrée surmontant la nef, caressaient les ornements des ogives, s'accrochaient aux croix des tombes, s'arrêtaient en petits nuages floconneux aux ramures noires des arbres, tandis que très haut, une ouverture trouant le blanc fluide des vapeurs permettait d'apercevoir la pâleur décolorée d'un ciel bleu où filtrait un peu de soleil. Hein, notre petit pays de Plougasnou, le v'là plus perdu que jamais à ce jour, avec ce manteau qui l'enveloppe, qu'on jurerait que rien n'existe plus autour. Encore, ça claircit un peu, mais ce matin on n'y voyait rien, même ici. On était comme perdu en mer. Celui qui accueillait Guyader de ces mots mélancoliques était un pêcheur du même âge, de taille moyenne, portant sur un corps robuste aux larges épaules le costume de gros drap bleu des jours de fête, un bonnet de laine enfoncé jusqu'aux sourcils sur des cheveux longs d'un gris roux tombant en désordre sur son col. Dans son visage creusé de rides, les yeux d'un bleu-gris tranchaient sur le brun rouge d'un épiderme cuit par le soleil, brûlé par les embruns. Tu dis plus vrai que tu ne crois, Pierre-Marie, car plus d'un l'ignore, notre Plougasnou, bien qu'il ait fourni plus d'un rude marin et plus d'un fameux soldat à la France. Mais quoi, aussi, loin de tout qu'il se trouve. Cependant, c'est le voisin de ce Saint-Jean du Doigt qu'est fièrement connu en Bretagne et même un peu partout, rapport à son église miraculeuse et à l'eau merveilleuse du Doigt de Saint-Jean, même que la bonne duchesse, notre grande reine Anne, y a trouvé sa guérison pour la maladie de ses yeux. C'est sur le point culminant du plateau solide de granit amphibolique formant la base de l'énorme éperon projeté au nord dans la Manche sous le nom de pointe de Primel que se groupent les maisons composant le bourg de Plougasnou. Cette avancée protège la rive est de la rivière de Morlaix que défendent à l'ouest Saint-Paul-de-Léon, Roscoff, avec la pointe de Bloscon et l'île de Bas. Dominant tout, sorte de phare effilé en pointe aiguë qui, pendant des lieues et des lieues au sud-est et sud-ouest, surveille l'étendue des terres, au nord, nord-est et nord-ouest, guette l'immensité de la mer, une haute aiguille rectangulaire de granit se dresse, c'est le clocher de l'église de Plougasnou. En ce moment, il semblait s'enfoncer plus avant dans le ciel, avec la fantasmagorie de la brume qui glissait autour de lui. Nul n'en ressentit plus vivement l'impression que Guillaume Guyader, au moment où il rencontra son beau-frère Pierre-Marie Guisnou, resté debout sous le porche sud de l'église, complètement pleine, ce qui faisait déborder quantité d'hommes et de femmes dans le cimetière, d'où il suivait tant bien que mal la grand-messe. Le garde-côte retrouva du reste là presque toute sa famille en sa tenue des dimanches. Les trois fils de Pierre-Marie, ses neveux Alain, Hervé et Yves, des gaillards solides comme leur père, pêcheurs aussi, âgés de 21 à 30 ans, puis Antoine Boédec, gendre de Guisnou qui avait épousé l'aînée des filles, Rose, et qui habitait Perros, près de la pointe de la décapitation sur l'anse de Primel, tandis que Thomas Lazennec, le second gendre, qui avait épousé Yvonne, âgée seulement de 24 ans, demeurait dans une chaumière placée à l'entrée de la presqu'île de Primel, l'endroit appelé Trégastel-Primel. Il questionna. « Je ne vois pas ma sœur ni mes deux nièces, Yvonne et Anne. »« Bon, » fit Guisnou, « pour ta sœur, la fantique est là, arrivée des premières, comme de juste. » Il se mit à rire. « Tu sais bien que notre gentille petite Anne ne la laisserait pas venir en retard à la messe. »« Toujours aussi pieuse, alors, la petite sainte, » appuya Guyader. « À croire qu'elle finira en religion, bien sûr. » Peut-être encore ce qu'il y aurait de mieux pour le rachat de tant de choses qui pèsent sur notre famille. » Un lourd soupir souleva la poitrine de Pierre-Marie Guisnou, dont le regard s'assombrit. « Bah, le passé est passé. Le coupable a expié, frappé jusque dans sa descendance. Pourquoi rappeler ce qui a été payé ?» protesta le garde-côte. « Parce qu'il y a une tache de honte sur le nom des Guisnou, grâce au coquin qui... » Guyader leva la main. « Tant de rancune, ce n'est pas d'un bon chrétien. C'était ton propre frère, cependant. Et il a été puni cruellement, on peut le dire. » L'autre gronda, têtu, le sang à la face. Jamais de pardon de ma part pour la mauvaise race. Le Seigneur a coupé la branche maudite et tous ses rameaux. Je ne la connais même plus de nom et ne veux plus en entendre parler. Il n'y a de Guisnou que ceux de Plougasnou. Ceux de Saint-Jean-du-Doigt ont disparu à jamais, heureusement pour nous. Mais le souvenir est là. Et si Anne veut se consacrer au Seigneur pour nous racheter tous au jour du jugement dernier, je la bénirai comme la plus aimée de tous mes enfants. » Une énergie violente scandait chacune des paroles sorties de la bouche de Guisnou, et on sentait dans son cerveau obtus une volonté ancrée pour toujours que rien ne semblait jamais devoir faire plier. Guyader ne voulut pas insister et demanda. « Et Yvonne ? Je n'ai vu ni la Zénec ni elle. » Guisnou s'arracha à ses idées pour expliquer. « Rien d'étonnant, elle est malade. Même que Anne a absolument tenu à aller cette nuit la soigner et n'est rentrée que ce matin. » Il ajouta, tandis qu'un peu d'orgueil mettait une flamme plus vive dans ses yeux. « Une brave, tout de même, la petite Anne, et qui n'a peur de rien. Elle fait honneur au Guisnou pour sûr, celle-là. Quand on pense qu'elle est partie de chez nous, de notre maison de la Grand Place, que tu vois là, derrière les arbres, en face du clocher, et qu'elle s'en est allée toute seule, sans vouloir être accompagnée, sans avoir peur de rien jusqu'à Primeltré-Gastel, chez sa sœur Yvonne, pour toute protection, sa lanterne et son chien, dont le grelot sonnait sur la route noire, lui indiquant le chemin, car on n'y voyait pas plus que dans un pot de goudron sous la tempête qui soufflait. « Hein ? Toute seule, Anne ?» demanda Guyader. « Vers quelle heure ?»« Très tard. Celui qui nous a annoncé qu'Yvonne était malade, un gars qui retournait chez lui à Saint-Jean-du-Doigt, a prévenu sur les 11 heures, 11 heures et demie. Peut-être plus tard encore. » Aucun de mes gars n'étant là, moi-même pas encore rentrée, et la mère ne pouvant quitter la maison, elle est partie quand même, sans crainte des mauvaises rencontres, forte de son courage contre les vivants, plus forte encore de sa foi contre les invisibles de la lande et de la nuit. Une gaillarde, une vraie Guisnou du temps passé. » Le garde-côte réfléchissait, semblant chercher à se rendre compte. Il répliqua. « Possible alors qu'elle se serait trouvée à la hauteur de la chapelle de Bélec sur les minuits ?»« Probable même, vu que la vieille chapelle se dresse elle-même par le travers de la maison à la Zénec où elle se rendait. Mais en quoi cela t'intéresse-t-il »« Moi, rien, rien. » Guyader songeait avec un peu de honte intérieure pour toutes les folles idées de visionnaire qui lui avaient traversé l'esprit durant la nuit et depuis sa veille. Il marmotta en lui-même. En v'là des choses. On croit voir et on voit. On se figure, et ce qui est se trouve la dernière chose à laquelle on penserait. Les invisibles. C'est des visibles. Il se moqua, concluant. Ma nièce, ma propre petite nièce que c'était, et non la robe noire du prêtre. La clochette, tout bonnement le grelot du chien. La lumière des cierges dans la chapelle, rien que la lueur errante de la lanterne qu'elle tenait à la main et que les flocons de brume aggravaient ou effaçaient tour à tour. L'ombre qui allait voletante avec cette robe sombre, ses sabots qui claquetaient. Anne, Anne Guisnou. Et j'ai pu croire, m'imaginer le prêtre noyé, le revenant, la duchesse aux sabots de bois. Allons, allons, Guillaume, te v'là mûr pour la retraite, matelot. Puisque tu n'es plus capable de reconnaître un vivant d'un défunt, une réalité d'un fantôme. Il acheva, un peu mélancolique. C'est comme pour ce canon. Bien certainement un rêve. J'aurais cru entendre, comme j'ai cru voir. Pourtant, pour celui-là, d'autres ici à Plougasnou ont entendu aussi. Alors, tout cela faute à la bourrasque, au surroi, à la brume. Décidément, Louis baisse comme l'a vu. La petite Anne que c'était. J'aurais dû y songer, me rappeler. Les sabots. Clac, clac, clac, clac. De la petite reine. » S'avançant sous le porche, il essaya de regarder dans l'intérieur de la nef où s'entassaient serrées les unes contre les autres les coiffes blanches, en grande majorité coupées çà et là de têtes nues masculines, aux faces rasées de frais, aux bouts de chemises blancs frottant les mentons bleus, aux longs cheveux tombant sur le col des vestes de cérémonie aux broderies multicolores, aux larges bragoubrases plissées, et soudain, il l'aperçut tout près du cœur, devant la porte centrale du jubé de bois, si merveilleusement ouvrée à jour qui enveloppait l'autel où le recteur terminait la messe. Il distinguait son fin visage encadré dans la blancheur de la coiffe. Jamais il n'avait été si violemment frappé de l'extraordinaire ressemblance qu'elle avait avec le profil sculpté en relief dans l'écusson de la porte nord de l'église. Il murmura : « On jurerait la duchesse, la reine Anne en personne. Je ne me trompais pas tant que cela. » Il en ressentit une commotion étrange, un attrait et une sorte de respect pour cet enfant qui n'avait pas 20 ans et dont les traits séduisants avaient une singulière expression d'autorité et de douceur, trahissant la bonté du cœur, la fermeté de l'esprit, une âme d'énergie. Elle fixait sur l'autel un regard à la fois extatique et assuré, et paraissait s'élever comme une véritable petite reine au-dessus de tous ceux, de toutes celles qui l'entouraient. Bien que sa mise fût des plus humbles et que ses pieds fussent chaussés de simples sabots de bois, une force émanait d'elle comme la flamme brillant dans un simple vase d'argile. Il se dit encore « Reine en sabots ». Comme ils ont eu raison de la surnommer ainsi, elle leur est supérieure à tous malgré sa jeunesse. Rien ne semblait pouvoir la distraire de l'absorption dans laquelle elle était plongée. Et Guyadère, en son âme fruste et simple, se disait qu'elle était bien en même temps l'enfant de ce bourg de Plougasnou où elle était née, et la descendante des seigneurs qui avaient autrefois, des siècles auparavant, possédé et gouverné le pays. Voilà où avait toujours vécu Anne Guisnou. Guyadère y trouvait une réponse aux pensées qui l'assiégeaient depuis un moment. Il eut poussé plus loin les recherches en son cerveau un peu lent quand un mouvement se produisit dans l'église. Bruit de chaises remuées, claquement de sabots, brouhaha montant des voix. La grand-messe était terminée. Et voici que dans le clocher, les cloches se mirent toutes en branle sous la tirée vigoureuse des jeunes gens pendus aux cordes. Les ondes sonores s'abattirent en pluie joyeuse sur les têtes, sous le porche du sud, sous le porche de l'ouest placé sous le clocher. Papillonnèrent les coiffes blanches, apparurent les bonnets de laine des pêcheurs, les grands chapeaux à rubans de velours des paysans, s'avancèrent les bragoubras et les gros sabots. Une gaieté s'élevait avec le vacarme croissant des voix, des pas broyant les cailloux. Les groupes envahissaient le cimetière, grand place du bourg, lieu de réunion, de causerie autour des tombes des parents, des amis, ainsi mêlés de nouveau à la vie commune. Des familles se réunissaient auprès de pierres où leurs noms étaient tracés en grosses lettres en relief, d'autres erraient par les étroits sentiers tracés entre les sépultures. Des enfants couraient, insouciants, et des conciliabules avaient lieu dans la chapelle funéraire, si caractéristique avec ses trois pignons qui se dressaient sur le côté est du cimetière, au milieu des arbres, tandis que les femmes discutaient près de la petite chaire gothique de granit que surmontait la haute croix de même pierre, placée à l'ouest vers le clocher. Un peu de lumière dorée tombant par la trouée du ciel formait une grande auréole au milieu de laquelle étincelaient l'église et le cimetière, tandis que tout autour, le mur de brume blanche demeurait encore impénétrable. Brusquement, il y eut des cris du côté de la route montant de Primelle. Des gens se bousculaient dans la hâte de voir, des femmes, des enfants se repliaient en désordre, effarés, et une voix étranglée par l'épouvante annonça « L'ennemi !» Guyadère, dont le regard habitué au brouillard de mer avait distingué une forme vague, grommela « Hein ?» Quel est-il celui-là qui sort de la brume ?